quelques coups tardifs et te voilà sorti de ton repère secret. Qu'es-tu fais bien caché, Glenn? Norris, Glenn, Norris. Même si dans le fond j'ai du mal à t'avoir, je sais bien que t'es un bon, car j'ai déjà vu tes espoirs. Glenn Norris, Glenn Norris. Je dois enlever ta haine pour te mâchouiller.